Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 15 juin 2019 et qui s'intitule « La peinture au plomb, histoire d'un poison » avec Judith Reynhorn. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Deux retraités sont atteints de saturnisme. Le saturnisme, un nom bien barbare pour qualifier l'intoxication par le plomb, un nom qui remonte d'ailleurs aux alchimistes. Dans le cas présent, du plomb provenant de canalisations atteintes par l'acidité de l'eau. En fait, c'est une maladie beaucoup moins rare qu'on pourrait le croire, mais dangereuse. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une confrontation primordiale s'inscrit au cœur de notre siècle entre l'écologie et la puissance du système capitaliste. L'un des aspects les plus impressionnants de ce tête-à-tête concerne l'opposition entre les exigences de la santé publique et celles des diverses industries qui la concernent, de près ou de loin. On nous en propose des exemples quasiment chaque semaine à hauteur de la planète entière. Telle la condamnation ces jours-ci, en Californie, de Bayer Monsanto à des milliards de dollars d'indemnités pour la diffusion à des particuliers de l'herbicide cancérigène Roundup, à base de glyphosate. La question de l'amiante s'impose au même chapitre. Mais on se tromperait à croire qu'il s'agisse seulement des fruits vénéneux de notre modernité. Je vous propose ce matin l'histoire d'un précédent, l'histoire de la peinture au plomb. Ce poison était ravageur pour les ouvriers, dont le corps en était marqué tragiquement, et pourtant, son usage a accompagné tout au long les révolutions industrielles. Le monde scientifique en a repéré tôt le caractère maléfique, mais sans qu'une loi de prohibition ait pu, pendant très longtemps, triompher de l'intérêt des entreprises. Celles-ci, pour servir leur profit, imposèrent l'usage de la céruse, appelée aussi blanc de plomb, jusqu'à la Grande Guerre au moins, en le défendant bec et ongles contre tous les efforts contraires des publicistes et des législateurs que la médecine avait alertés. Clémenceau, qui fut l'un de ces bons combattants au cours des années 1900, écrivit dans un article, pour résumer son propos, « Il s'agit d'empêcher des hommes de tuer des hommes, tout simplement. » Judith Reynhorn, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, vient de consacrer un livre important à ce sujet trop peu connu et cependant riche d'enseignements et lourd d'inquiétudes toujours prégnantes. Elle est donc mon invitée. Et d'abord, un entretien avec le docteur André David sur le saturnisme. C'était une émission de la RTF du 24 mai 1952 intitulée « L'homme devant les maladies ». Les cas d'intoxication par le plomb s'observent presque exclusivement chez les professionnels dont le travail nécessite des contacts avec ce métal. Le saturnisme entre même dans la catégorie des maladies professionnelles les plus couramment observées. Quels sont les travailleurs qui risquent le plus d'en être atteint? Les métiers qui exposent au saturnisme sont très nombreux. Citons par exemple les fondeurs de caractères d'imprimerie et les compositeurs, les polisseurs de glace, les doreurs, les tailleurs de verre, les peintres en bâtiment et tous les ouvriers qui se servent de couleurs plombifères, ceux qui travaillent dans la fabrication d'aluminium, dans le broyage des couleurs et surtout les fabricants d'accumulateurs. Ces derniers sont même les plus exposés, à part évidemment les ouvriers qui descendent dans les mines de plomb ou qui travaillent à la fabrication des objets de plomb. Il semble que l'alcool rende les sujets plus particulièrement sensibles à l'action du plomb, je vous le signale. Mais par quel phénomène le plomb parvient-il dans l'organisme? Il s'agit le plus souvent d'une ingestion, soit que l'ouvrier porte ses mains ou ses ongles souillés à la bouche, soit que des poussières de plomb soient suspendues dans l'atmosphère. Une partie de ce plomb ingéré s'arrête au niveau du foie et de la rate, et le reste n'est éliminé que très lentement et très difficilement par la salive, la peau, la bile, les urines. En outre, ce plomb forme avec la matière cellulaire des composés chimiques qui ont tendance à détruire les cellules où ils se sont fixés. Cliniquement, comment se présente l'affection ? Il peut s'agir d'une intoxication chronique passée inaperçue et sur laquelle vient se greffer un accident aigu qui est, dans les deux tiers des cas environ, la colique de plomb. C'est une douleur abdominale qui brusquement s'installe, si violente qu'elle immobilise le malade. Au point de vue intensité et brusquerie d'apparition, on pourrait la comparer à la colique néphrétique ou à la colique hépatique. Le malade, pour tenter de lutter contre elle, se comprime l'abdomen ou relâche au contraire ses muscles abdominaux en se couchant en chien de fusil, par exemple. Judith Reynante, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. J'ai voulu d'entrée de jeu vous proposer une description clinique des effets du saturnisme. Que ce ne soit pas désuet, nous allons le montrer, que l'actualité en soit évidente. Vous l'avez d'ailleurs posé dans un article qui a frappé tout récent dans Libération, en expliquant que la catastrophe qui avait frappé Notre-Dame pouvait avoir des conséquences qui touchent directement à l'empoisonnement par le plomb. Si je me suis lancée dans ce débat public autour de Notre-Dame, c'est que j'ai souhaité en fait intervenir, à la fois bien sûr pour alerter sur les dangers éventuels. Tous les voisins, ceux qui habitent rive gauche, rive droite, sur l'île de la Cité. Et peut-être même au-delà, puisque tout dépend évidemment de la direction des vents et de la direction des fumées qui ont émané de cet incendie. C'était évidemment pour alerter, mais je ne faisais là que relayer l'alerte qui avait été lancée par deux associations environnementales, mais c'était aussi pour mettre au jour le phénomène d'invisibilisation qui me semble tout à fait exemplaire autour de cette question de l'empoisonnement au plomb et qui est un phénomène d'invisibilisation tout à fait durable et dont nous allons évidemment reparler. Pour détourner en particulier les petits-enfants de jouer au sable dans le square Viviani qui est de l'autre côté de la Seine. Voilà, ce que je voulais montrer par exemple, c'était la manière dont les pouvoirs publics intervenaient de manière tout à fait importante et autoritaire en fermant, pour des raisons de sécurité, le parc Jean 23 qui se trouve juste derrière Notre-Dame, et pour d'excellentes raisons évidemment, mais ne fermaient pas et n'interdisaient pas l'accès au parc qui se trouve à 50 mètres à vol d'oiseau. Et ce contraste me semblait tout à fait exemplaire précisément du type de réaction des pouvoirs publics face à cette intoxication, à cet empoisonnement au plomb. Alors, je voudrais vous conduire loin en arrière pour commencer, jusqu'à Pline l'Ancien, jusqu'à l'Antiquité, puisqu'il nous dit que les femmes utilisaient le minerai de plomb comme un phare pour accentuer la blancheur de la peau. On a en fait des recettes de fabrication de ce qui commence à s'appeler à l'époque la céruse, qui remonte au 4e siècle avant notre ère, pour des usages qui sont en effet initialement essentiellement cosmétiques, des usages qui permettent en fait de blanchir la peau pour du maquillage, pour les comédiens par exemple, pour les prostituées également dans l'Antiquité, quelque chose d'un petit peu sulfureux dans ce maquillage à la céruse. Et puis progressivement, les usages se sont transformés et on a notamment vu apparaître le blanc de plomb dans une quantité de secteurs artisanaux à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Le mot céruse, on sait d'où ça vient, c'est un mot latin ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais ça viendrait notamment du mot kéroussin en grec qui signifie la cire et qui est évidemment lié à cette couleur blanche de la céruse est liée également à l'aspect pâteux en fait de cet oxyde de plomb qui est transformé donc en une pâte qui permet d'être étalée sur le visage par exemple. Quant au saturnisme, le mot viendrait du fait que Saturne serait le dieu de plomb pour les alchimistes, c'est vrai ou c'est une légende ? Les alchimistes ont en effet associé avec la plupart des métaux qu'ils utilisaient un nom de planète. Et donc ils avaient attribué celui de la planète Saturne au plomb, en faisant en effet référence au fait que le dieu Saturne aurait dévoré ses enfants et que le plomb avait cette propension, disons, à être dévorateur à l'égard des autres substances qui, dans leur creuset, les voisinaient. Si on se reporte au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, le sentiment prévaut que la céruse n'apparaît pas encore comme un véritable danger. Elle sert, je dirais que là c'est un danger posthume, au masque mortuaire des grands, des princes, des abbesses et des évêques, lorsque la chaleur risquait de putréfier les chairs, mais pour la peinture d'art aussi, Watteau, j'apprends en vous lisant, que Antoine Watteau avait utilisé le blanc de plomb pour peindre son fameux Pierrot, qui remonte à 1719, presque exclusivement composé de carbonate de plomb. Le carbonate de plomb, ou blanc de plomb, ou céruse, les appellations varient aussi en fonction de la proportion d'oxyde de plomb contenu dans la pâte qui est utilisée, est en effet de plus en plus utilisée par la peinture à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Et puis, au XVIIIe, il devient d'un usage très très important dans la peinture d'art. On dit, est-ce que c'est une légende, que le Caravage serait mort en 1610 du fait du saturnisme? C'est en effet ce qu'ont montré un groupe d'historiens de l'art italien assez récemment. Vous avez fait l'enquête personnellement? Non, je n'ai personnellement pas fait d'enquête sur cette question, mais il est vrai que le saturnisme est présenté comme à l'origine d'un certain nombre de troubles de peintres d'art et d'artistes extrêmement renommés. C'est vrai pour le Caravage, mais c'est vrai aussi pour la fameuse folie de Van Gogh qui serait, selon certains, liée à son usage des pigments de plomb extrêmement, extrêmement importants. Alors il faut en venir à ce XVIIIe siècle finissant et à la Révolution où commence vraiment d'apparaître, et ça se développera au cours du XIXe siècle, le sentiment dans le corps médical que la céruse peut être vraiment dangereuse. L'émergence d'une préoccupation sur la dangerosité de la céruse, elle prend la suite des premiers ouvrages qui portent sur les dangers du plomb lui-même, et notamment pour les mineurs de plomb. Dès la fin du XVIIe siècle, quelques médecins alertent sur les symptômes qui atteignent les mineurs de plomb, en particulier en Allemagne. Et puis, le très fameux traité des maladies des artisans de l'italien du padouan Ramazzini, qui est paru en 1700 en latin à Padoue, lui alerte sur quantité de dangers du plomb qui menacent les ouvriers et les artisans d'un certain nombre de métiers. Mais ce n'est pas à l'époque véritablement sur la céruse qu'on s'inquiète, plutôt sur le plomb. On ne commence véritablement à s'inquiéter des dangers de la céruse que quand la céruse connaît un processus d'industrialisation et donc d'utilisation beaucoup plus massive que celle qui était réservée jusqu'ici essentiellement aux peintres d'art, aux broyeurs de couleurs, à ceux qui travaillaient dans les ateliers d'artistes. C'est ce qu'on va appeler le procédé de Clichy? Alors, avant le procédé de Clichy, il y a d'abord un processus d'industrialisation. Vous me dites que je cours la poste, c'est ça, trop vite. C'est ça. D'abord, il y a un processus d'industrialisation qui est né, en fait, dans la Hollande de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et là, c'est à Amsterdam, à Rotterdam, le procédé qui est, en fait, le même procédé que le procédé antique, donc on est resté avec une recette, finalement, qui n'a pas véritablement évolué, connaît un certain nombre de transformations, on va dire une amélioration, une certaine rationalisation. D'abord, par l'usage de plaques de plomb qui ne sont plus plates mais qui sont enroulées en tortillons et qui du coup offrent davantage sur un espace plus étroit de prise à l'oxydation de la plaque de plomb. Donc ce sont des plaques de plomb qui sont enfermées dans des petits godets et ces petits godets sont installés sur des dizaines de mètres sur des planches et donc on parvient finalement à des usines qui sont relativement vastes et qui permettent de produire cette substance de manière absolument industrielle. Le procédé de Clichy intervient une cinquantaine d'années plus tard, à partir de 1809. C'est un procédé technique tout à fait différent. L'oxydation du plomb se fait selon un procédé technique qui a été breveté, patenté dans les années qui précèdent immédiatement donc l'ouverture de la première usine à Clichy. Et c'est un procédé qui, lui, prend le nom de procédé français en opposition au procédé dit hollandais. Et ce sont vraiment ces deux termes qui vont conduire cette opposition entre les deux méthodes de fabrication de la céruse. Et du coup, le patriotisme s'en mêle. C'était déjà le cas au moment de la Révolution? Alors, c'est déjà le cas au moment de la Révolution française, mais à cette époque, la production française de céruse est tout à fait embryonnaire. Elle n'existe que sous la forme de tout petits ateliers. Il y en a une dizaine autour de Paris qui emploient quelques ouvriers seulement. C'est vraiment à partir en effet de l'Empire et de ce qu'on a pu appeler, l'expression de Gérard Gaillot, la chaptalisation de l'industrie française. À cause du fameux Chaptal. Absolument. Qui était à la fois ministre des Manufactures et du Commerce et un sénateur et un chimiste de premier rang. Chimiste de premier rang et également président de la fameuse Société d'encouragement à l'industrie nationale, qui cherche précisément à promouvoir une industrie patriote d'un certain nombre de produits, mais en l'occurrence de la céruse, qui jusqu'ici était très largement importée en France depuis la Hollande et également depuis l'Angleterre. D'où l'évidence que cette détermination patriotique va occulter complètement, dans un premier temps, les risques de la céruse, même si peu à peu on l'éclaire dans la première partie du 19e siècle. C'est un élément qui va servir beaucoup, le lobbying des défenseurs de la céruse. Nous allons voir à parler beaucoup, Judith Reynand, du lobbyisme au cours de cette émission, comment les intérêts industriels l'emportent sur les préoccupations sanitaires et comment elle s'exprime auprès des pouvoirs publics. Et en effet, de manière tout à fait évidente, et ça avait été déjà mis au jour par d'autres historiens avant moi, une collusion absolument claire entre les premiers industriels de la céruse et les différents pouvoirs publics impériaux et évidemment la personnalité de Chaptal, donc dès 1809. Et cette usine de Clichy, en fait, elle va devenir emblématique de cette collusion. Et elle va être portée à bout de bras pendant au moins un demi-siècle avant qu'il y ait un renversement en sa défaveur dans la seconde moitié du 19e siècle. Avec la concurrence de Lille assez vite. Avec la concurrence de Lille, puisque c'est en effet dans le nord de la France qu'un certain nombre d'entreprises de céruse s'implantent à partir des années 1820 essentiellement. Et très vite, Lille devient en effet le cœur de la production cérusière française, avec une dizaine d'entreprises dans les années 1830-1840 qui bénéficient en fait à la fois de la proximité de la Hollande et donc de l'importation de procédés et de pratiques de travail, mais également de l'importation d'ouvriers qui connaissent le métier, et puis de la présence de la Flandre dans laquelle le lin est cultivé de manière tout à fait importante, et l'huile de lin sert, mélangée au blanc de plomb, à fabriquer la peinture. Il y a des personnalités comme le docteur Amédée Lefebvre qui fait de l'éradication du saturnisme sur les navires de la marine française le combat d'une vie, et on voit se dessiner dans votre 19e siècle, Judith Reynord, une opposition entre les médecins qui, sur le terrain, constatent les effets ravageurs du saturnisme et les hygiénistes qui, malgré leur réputation très positive aujourd'hui dans l'historiographie, ont une distance et donnent, en l'occurrence, le sentiment de servir davantage les intérêts industriels. En effet, il y a, je dirais, deux médecins qui jouent un rôle tout à fait important dans ce que j'ai appelé l'invention du saturnisme, c'est-à-dire l'assemblage de ces savoirs en miettes, c'est-à-dire de savoirs médicaux qui préexistaient à leurs écrits, qui en fait étaient des savoirs qui existaient depuis donc le XVIIIe siècle. Louis Tancrel des Planches, que j'ai appelé le passeur des terres, et Amédée Lefebvre, que vous avez évoqué, qui pourrait être le passeur des mers. L'un sur le saturnisme, donc des ouvriers qui travaillent essentiellement dans les usines de céruse et dans d'autres usages du blanc de plomb. Et puis Amédée Lefebvre, qui s'intéresse très largement à la marine. C'est un médecin de la marine. Et en effet, la marine est un point absolument crucial dans cette histoire de céruse, puisque les bateaux de la marine royale puis impériale contiennent des tonnes de plomb. D'où une effrayante morbidité des équipages. Et ce qui est intéressant, c'est que Tancrel des Planches comme Amédée Lefebvre vont en fait être les premiers, chacun dans leur domaine en quelque sorte, à assembler donc ces savoirs dispersés et à montrer que la diversité, la variété des symptômes qui étaient connus bien sûr des observateurs, en fait correspondent à une maladie et identifient cette maladie comme le saturnisme. Symptôme impressionnant, teinte jaune sale de la peau liée à l'ictère, la saveur sucrée de la bouche, la fétidité de la laine, la coloration ardoisée des gencives, la lenteur et la dureté du pouls, l'amaigrissement progressif. On trouve cela dans tous les manuels des médecins de l'époque et on retrouve aussi cela dans les témoignages beaucoup plus récents, tel celui de cet ouvrier qui s'appelle Christian, je n'ai pas son nom de famille. Il est ouvrier chez Métal Europe, dans le nord de la France. C'est un extrait de l'émission de Daniel Mermet sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, le 24 mars 2003. Christian, vous êtes malade aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Vous continuez à travailler ou pas du tout? Ah bah si, complètement. J'ai toujours travaillé. On m'a jamais dit quoi que ce soit. Bah j'ai des séquelles. Regardez les mains. Regarde mes doigts. Bon, tes doigts, ils sont droits. Ouais. Regardez bien, regarde les mains. Ah oui, ils sont tout obliques. C'est bouffé par le plomb. Tout ça, c'est bouffé. C'est les articulations. On appelle ça une polynévrite. Ouais, c'est du saturnisme. la maladie professionnelle numéro 1 dans le truc de la sécurité sociale. Mais alors ça, pour se faire reconnaître, c'est autre chose. Hein. C'est pour ça que les collègues disent ça. Mais tous, ils sont tous peut-être plus ou moins de plomb. Bon, ils ont peut-être plus ou moins de séquelles, mais la sécurité sociale ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas les reconnaître. Aucun. J'ai mes genoux, j'ai du mal à marcher, et puis je me sens pas trop bien, quoi. Il y a que ça. C'est comme si tu aurais de l'arthrose en continu. Et tu peux plus serrer comme il faut, tes mains, tes doigts, ils lâchent, quoi, si t'es mieux par moment. Souffre-douleur. Alors j'espérais encore faire 5 ans, mais je crois qu'on est mal barré. Hein. Je crois aussi, ouais. Voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est le plan social, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Mais maintenant, 51 ans, qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà, un chômeur en puissance. Ta femme, elle travaille? Non. Bon, bah alors, ça va, ça suffit. Non. Elle a travaillé dans le temps, maintenant elle ne travaille plus. Il me reste encore un fils de 18 ans, et puis ma fille, 15 ans. Ah ouais. On est là, Judith Raynorn, loin de ce 18e siècle où le blanc de plomb continuait à prendre la figure d'une sorte de remède thérapeutique, avec une capacité d'apaiser les crevasses et les lèvres gercées, de cicatriser les engelures des blanchisseuses et les tétons endoloris des nourrices. Cette fois-ci, le mal est éclatant. On rejoint l'analyse du docteur André David avec laquelle j'ai ouvert notre conversation. Oui, ce qui est absolument fascinant dans ce témoignage, finalement, c'est de la description des symptômes par le malade lui-même. La douleur, les atteintes articulaires dont il parle, et en particulier ce que, justement, les deux médecins auxquels je faisais allusion précédemment, Louis Tancrel-Desplanches et Amédée Lefebvre, indiquent comme un symptôme récurrent chez les saturnins véritablement atteints de manière importante, qui sont les paralysies des muscles extenseurs, quand il dit qu'il n'arrive plus finalement à marcher, qu'il n'arrive plus à serrer quoi que ce soit dans ses mains. Ce sont des atteintes neurologiques qui sont extrêmement graves et qui sont tout à fait symptomatiques, en effet, des atteintes saturnines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le saturnisme, ce n'est pas exactement une maladie. Le saturnisme, en fait, c'est une intoxication, l'intoxication par le plomb, de l'intégralité de l'organisme, et qui provoque, en fait, quantité d'affections et quantité de symptômes extrêmement divers, d'où la difficulté de l'identifier, et d'où aussi cette hésitation, cette errance médicale extrêmement longue, puisque non seulement les symptômes sont extrêmement divers, mais surtout ils n'interviennent pas tous systématiquement. Donc on a des saturnins qui ont, et ça c'est assez général, ce qu'on appelle la colique de plomb, c'est d'ailleurs le terme qui a préexisté à celui de saturnisme, qui est apparu plutôt justement dans les années 1830-1840 et qui s'est substitué à celui de colique de plomb qui était beaucoup plus général. Nous avons entendu des cris par le docteur David tout à l'heure. Absolument, mais ensuite on a des symptômes qui apparaissent chez certains patients et pas du tout chez d'autres, et c'est en fait cette variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire la diversité des tableaux symptomatiques qui conduit évidemment à des difficultés diagnostiques et à des hésitations diagnostiques et qui pendant très longtemps fait qu'on met en cause l'existence même d'une maladie. Tout cela permet évidemment à tous ceux qui, du point de vue industriel, défendent l'idée de l'utilisation de la céruse, de défendre leur position, notamment parce que lorsqu'on découvre au 19e siècle, un produit de substitution qui est sain, celui-ci est plus cher, nettement plus cher. C'est le blanc de zinc, je ne me trompe pas. Le blanc de zinc, oxyde de zinc, produit qui a été inventé et fabriqué initialement dès la fin du 18e siècle, en particulier par des essais du grand chimiste Guiton de Morvaux dans les années 1780, et qui déjà, à cette époque, cherchait une fabrication du blanc de zinc, un procédé de fabrication du blanc de zinc pour substituer ce produit à la céruse qu'il pensait et qu'il savait déjà être dangereuse. Le problème en effet de ce blanc de zinc, c'est qu'il est beaucoup plus cher à fabriquer. D'où l'importance absolument cruciale dans cette histoire de la naissance d'un blanc de zinc industrialisé qui permet en fait d'être concurrent sur le marché des pigments de la mortelle céruse. Comment se déroule le combat entre les industriels qui souhaitent défendre leur prospérité et défendre en particulier, limiter leurs frais en utilisant le blanc de plomb et les médecins qui s'efforcent au cours du 19e siècle finissant de rappeler sans relâche quels sont les périls liés à ce produit? Le moment vient où, du côté des industriels, on explique que la responsabilité est largement celle des ouvriers eux-mêmes. Je relève, après vous, cette formule qui remonte à la fin du 19e siècle, nous devons recommander aux ouvriers la plus grande tempérance dans le boire, le manger et les plaisirs de l'amour. Lorsque les ouvriers n'ont pas de raison ni d'empire sur eux-mêmes pour vaincre leur funeste penchant, ils doivent quitter leur profession. Cela mérite un commentaire, Judith Reynolds. Je dirais que l'imposition de pratiques professionnelles et en particulier de gestes au travail fait partie d'un arsenal beaucoup plus global qui est celui du paternalisme patronal au XIXe siècle. Et donc l'imposition de pratiques hygiéniques, c'est-à-dire d'une prévention, de gestes de prévention des éventuelles affections et des intoxications en particulier au travail, est en effet imposé en quelque sorte aux ouvriers par les industriels comme étant de leur responsabilité. Pourtant, il y a un industriel dont l'histoire est intéressante et qui a tranché sur ses positions, c'est Leclerc. Jean-Edme Leclerc, vous faites un sort à cette histoire. Je voudrais que vous y attardiez un instant pour prouver qu'il n'y a pas de fatalité ni de logique absolue de ce capitalisme en marche, cette révolution industrielle. Leclerc. Alors Leclerc, c'est un personnage en effet assez fascinant, qui a en quelque sorte écrit sa propre histoire. Et donc il est assez difficile de faire le départ entre son autobiographie très courte, mais qu'il a petit à petit constituée, évidemment très agiographique. Et puis, c'est plus sûr de s'en occuper soi-même. Voilà, absolument. Donc Jean-Edme Leclerc, outre donc sa geste de, si vous voulez, de self-made man depuis son Morvan natal jusqu'à devenir l'un des grands patrons du bâtiment à Paris à la fin du 19e siècle. C'était un garçon vaché au début. Il était garçon vaché, en effet, dans le Morvan. Il est venu à Paris à l'âge de 12 ou 13 ans comme aide maçon et aide dans l'industrie du bâtiment. Et puis, il a fondé sa propre petite entreprise. Les métiers du bâtiment, le secteur du bâtiment est un secteur dans lequel il n'est pas si compliqué de fonder une entreprise parce que la nécessité d'un capital est assez réduite. Et donc, Leclerc a créé sa propre entreprise et cette entreprise, dans les années 1830, était évidemment embryonnaire et à la fin du 19e siècle, comptait 800 ouvriers à Paris, ce qui est absolument colossal dans ce secteur. Mais on peut l'installer quelque part entre Charles Fourier et Saint-Simon. Il a fondé cette prospérité dont vous parlez sur l'utilisation du blanc de zinc et non pas du blanc de plomb. Il écrit, c'était au commencement de 1844, ce fut alors que comme un toqué, puisqu'on me qualifie ainsi, je me mis dans la tête de vouloir supprimer la céruse en peinture. Eh bien, 4 ans plus tard, l'humanité était dotée d'un produit inoffensif. La céruse n'était pas supprimée, mais le blanc de zinc l'avait remplacé dans mes ateliers. Mes ouvriers n'étaient plus malades. Des ouvriers d'ailleurs qu'il intéresse au bénéfice de l'entreprise, ce qui est évidemment rare à l'époque. Rare et même inexistant. Leclerc n'est pas seulement un philanthrope. Bien sûr, il apparaît dans la manière dont il se présente lui-même et dont il est présenté par un certain nombre d'agiographes qui l'ont accompagné, comme celui qui cherche d'abord le bien-être de ses ouvriers. Et donc, il a décidé, en effet, de substituer le blanc de zinc inoffensif à la mortelle céruse. Donc, en cela, en effet, il est parti de cette idée fondamentale. Il est lui-même, on l'a dit tout à l'heure, un garçon vaché, mais il est devenu surtout un ouvrier avant de devenir un patron. Et donc, il est très attentif au bien-être de ses ouvriers au travail. Mais cela passe par une discipline paternaliste extrêmement autoritaire, ce qui fait qu'il n'est pas toujours apprécié, par exemple, d'un journal comme L'Atelier, qui défend les intérêts ouvriers dans les années 1840. Il y a une très belle statue à Herblay, dont il a été maire. Et il a existé dans l'Illinois, aux États-Unis, une ville qui a porté son nom, nommée ainsi par un de ses admirateurs lointains. Absolument. Donc il y a cet aspect philanthropique chez Leclerc, mais il y a aussi l'aspect homme d'affaires. Il ne défend la substitution du blanc de zinc à la céruse, pas seulement pour des raisons philanthropiques, mais aussi pour des raisons économiques. Il est celui qui, dans les années 1840, s'est attelé à l'aide de chimistes et, après un certain nombre d'errements et de difficultés, a élaboré un procédé de fabrication industrielle du blanc de zinc. C'est-à-dire qu'il a repris 50 ans après les premiers travaux chimiques de Guiton de Morveau. Il a repris ses travaux et il les a transformés, en quelque sorte, puisqu'il a abouti à un procédé de fabrication pour lequel il dépose un brevet, et même plusieurs brevets, de fabrication industrielle du blanc de zinc, ce qui permet en fait de réduire tout simplement le coût de production et donc de se retrouver concurrent de la céruse sur le marché des pigments de peinture. Comme souvent, la révolution de 1848 est généreuse et s'efforce de limiter ou de supprimer l'utilisation du blanc de zinc, mais tout cela est balayé sous le Second Empire et dans les débuts de la Troisième République. Et c'est ainsi que l'on peut encore aujourd'hui trouver des témoignages qui complètent ceux que je vous ai déjà proposés, tels celui de Raymond Béroudiou, qui se dit « plombé », entre guillemets « plombé », qui a été ouvrier chez Métal Blanc à Bourg-Fidèle dans les Ardennes. C'est un extrait, une archive tirée de l'émission « Terre à terre » de Ruth Stegassi sur France Culture le 19 mai 2001. France Culture, concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Moi, je ne savais pas, j'étais plombé. Donc, Bourson, il savait que j'étais plombé, et puis, donc, la médecine du travail. Moi, mon licencié, sans licencié, j'ai tombé en maladie. C'était des coliques de plomb, j'ai resté ici pendant 2 semaines, que je ne savais pas que j'étais plombé. Mon docteur, il ne savait pas, il a cru que c'était une grippe cicinale. Bon, il soignait pour une grippe cicinale. Alors, c'est là qu'on a rappelé à notre docteur, et c'est là que le docteur il m'a dit, écoutez, monsieur Béroudiou, dans quoi vous travaillez? Mais j'ai dit, dans une usine qui fait du plomb. Il me dit, vous êtes plombé. Il dit tout de suite à l'hôpital. Ben oui, tout de suite à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, ils m'ont fait des analyses, tout ça, ça partait à Paris. Et c'est là qu'ils ont su que j'étais plombé. Voilà. Et vos collègues, vous leur en avez parlé à ce moment-là? Ah, mais j'ai parlé à mes collègues. Alors? Ah, ben non, eux, ils sont pas plombés. Et aujourd'hui, ils sont tous plombés. Bourson, il vient en mettre 20 à la porte. Ben, quand même, pour nous prendre quand même pour des fous. Et puis moi, tous mes camarades qui ont travaillé avec moi, je n'en vois plus beaucoup. Ils sont au cimetière. Des gars de 55 ans, 50 ans, 60 ans. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Faut fermer ça. Ah oui, parce que là, moi, je vous le dis franchement la vérité, tout est foutu de merde. C'est pas la peine de chercher l'entour du pot. Tout. Tout. Ah oui. Ah oui. Dans le temps, j'allais courir dans les bois, je voyais que des faisans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, madame. À l'usine, on vous faisait prendre des précautions particulières? Ah ben, l'usine, de toute manière, Bourson nous a toujours pris pour des gens... On ne se lavait pas les mains, on mangeait le casse-croûte comme ça, on mangeait une pomme comme ça. Il nous a toujours pris pour des imbéciles, Bourson. Tout le temps. Et encore aujourd'hui, ils disent pas entre les ouvriers, quand ils vont à la DRI ou à la DAS, il dit bien, c'est la faute des ouvriers parce qu'ils mettent au pain de masse, ou alors ils mangent une pomme comme ça. Voilà. Vous avez essayé de vous battre? Ah oui. Ben, j'ai pris un avocat, de toute manière. Ah oui, parce que moi, je ne me laisserai pas faire comme ça. Ah ben non, moi, je le dis franchement, hein. Bon, ben là, pour le moment, après attendre que, soi-disant, qu'il y en aurait 20 qui étaient licenciés, que Bourson les a remis là, des hauts, et je le crois quand même, parce que j'ai vu ça il y a à peu près un mois et demi, un petit jeune homme, là, il a travaillé 5 mois dedans, et il avait 600 de plomb. 600. Alors j'ai dit, gamin, qu'est-ce que t'as fait? T'étais à l'hôpital? Non, il dit, j'ai pris des cachets, en prenant des cachets. Mais j'ai dit, c'est pas bien de ta part, mon gars. Faut aller à l'hôpital. Puis de toute manière, aujourd'hui, moi, je le dis franchement, même les ouvriers qui sont plombés, ils doivent porter plainte. Faut faire trinquer cet homme-là. Il est en train de faire mourir les gens dans le village, et en plus ceux qui travaillent dedans. Et tous les villages, il est foutu. Hein. Tout. Ah oui. C'est les étangs, c'est les brevoirs, c'est ceci, c'est le foin, c'est les herbes, c'est tout. Tout. Tout est foutu. Il n'y a plus de truite, il n'y a plus de grenouille, il n'y a plus rien. On ne dira pas qu'il y a un colvert sur une étang, c'est pas vrai. Et alors, il y a de l'arsenic. Il y a du cadmium, du zinc surtout, plus c'est le zinc. Alors là, croyez-moi. Il me semble que cette archive, Judith Raynord, montre bien que les dommages dus à la céruse ne concernent pas seulement les individus, mais perdurent sur le long terme en ayant perverti la nature. Cette archive est extrêmement riche et en effet, on peut y lire quantité de problématiques qui nous intéressent sur cette question. Je crois qu'il s'agit là, à Bourg-Fidèle, d'une entreprise de recyclage de batteries et donc d'usage du plomb très important dans cette fabrication des batteries et donc dans le recyclage, bien sûr, des batteries désormais inutilisées. Je trouve que on y voit à la fois la question de l'accès aux soins. Il est toujours question de l'automédication. J'ai pris des cachets. Du rôle du médecin généraliste aussi, qui précisément aiguille l'ouvrier malade qui souffre de ses premiers symptômes vers l'hôpital. Et puis de l'importance de l'hôpital comme lieu d'accueil de ces ouvriers saturnins. Donc les différentes formes finalement d'accès aux soins de ces saturnins qui restent apparemment très méconnus par ces malades. La deuxième chose qui me semble vraiment importante dans cette archive, c'est qu'en fait, elle amorce la problématique de la réparation. Parce qu'il dit, il faut le faire payer, en fait, cet industriel. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est l'ignorance qui apparaît, l'invisibilité, on peut dire, de la législation. C'est-à-dire qu'il dit, il faut le faire payer. Mais il y a une législation qui date de 1919, qui est la législation de réparation forfaitaire des maladies professionnelles, et dont le saturnisme est la première, le tableau numéro 1, qui concerne directement la réparation du saturnisme. Donc ce qui est assez impressionnant, c'est de voir en fait que malgré l'existence de cette législation, il y a une sous-reconnaissance très importante et un sous-usage en quelque sorte de cette législation par méconnaissance, par invisibilisation là encore. Ce qu'on voit en effet, c'est que ce plomb, il a atteint les organismes, mais il a aussi atteint l'environnement général, la nature, on le voit, les animaux. Et finalement, le plomb est partout dans l'environnement, que ce soit l'environnement urbain et l'environnement rural, ce qui est évidemment tout à fait inquiétant. Avant la loi de 1919, il y a eu une loi en 1909 qui a clos une décennie qui a été marquée par de très violents affrontements entre les industriels défendant leurs intérêts et des parlementaires, des publicistes, des syndicalistes qui ont agi en sens inverse. Quand on entend la description de ces symptômes dans les différentes archives que je vous ai proposées, on est renvoyé directement à des numéros de l'Assiette au beurre, remarquable publication de gauche ou d'extrême gauche dans ces années-là, qui donne des dessins effrayants. Vous en avez reproduit un d'ailleurs sur la couverture de votre livre, Judith Reynorn. Les mains, en particulier ces mains qui sont tout à fait déformées, et on voit notamment un industriel très prospère qui prend par l'épaule un retraité, visiblement ancien ouvrier peintre en bâtiment, et qui lui dit « Vénard, comme tu as de belles mains pour demander la charité ». Oui, caricature en effet, incluse dans ce numéro spécial consacré à la question de la céruse en 1905 par ce journal extrêmement populaire, qu'est l'Assiette au beurre à cette période, et qui dit bien que, en effet, les ouvriers cérusiers ou les anciens ouvriers cérusiers malades sont réduits à demander la charité, puisque il n'y a à cette époque pas de réparation. Personnel de protection sociale sur les maladies professionnelles, pas de réparation des maladies professionnelles. Ces belles mains faisant bien allusion au problème articulaire qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Alors ce combat ouvrier, très très important en effet dans la décennie 1900 jusqu'en 1909, il est la première mobilisation importante et tout à fait massive, je dois le dire. Ce qui est fascinant, c'est à quel point on l'a oublié en quelque sorte. Ce combat, donc, il est né à l'automne 1900 et il est né au sein des fédérations d'ouvriers peintres. Il n'y avait eu aucun combat ouvrier au cours du XIXe siècle sur cette question de la céruse. Aucun combat qui n'était parvenu, quoi qu'il en soit, fédérer, disons, les volontés autour de cette question de l'intoxication. Les syndicats, il faut le dire, ouvriers, se préoccupaient plus de la durée du travail, d'une éventuelle assurance, plutôt que de la santé, de l'environnement du travail. Oui, il y a une législation en 1893 sur l'hygiène de l'atelier, c'est-à-dire qui prend en considération un certain nombre d'éléments fondamentaux dans les conditions sanitaires pour les ouvriers. Il y a un éminent syndicaliste qui s'appelle Abel Cressac, mais qui est assez solitaire, en fait, à la CGT. Il est en effet assez solitaire. Abel Cressac, c'est aussi l'un de ces itinéraires, comme celui de Leclerc, qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, tout à fait fascinant, qu'on rencontre dans cette histoire. Abel Cressac, c'est un ouvrier peintre qui est très vite sorti de la peinture pour animer une section syndicale d'ouvriers peintres, et qui a fait de ce combat contre la céruse le combat de sa vie, véritablement. Il est celui donc qui va animer, à la fois de manière extrêmement publique, puisque c'est un homme qui multiplie les conférences dans la France entière à ce sujet pour informer les ouvriers d'une mobilisation possible autour de cette question, mais aussi un combat de l'ombre, qui se fait dans les cabinets ministériels, qui se fait dans les couloirs des différentes institutions qui commencent à se mettre en place en ce tout début du XXe siècle, à l'heure où le gouvernement républicain commence à se pencher sur la question sociale. Il y a d'ailleurs des parlementaires alors, qui se mêlent de l'affaire. Je pense à Jules-Louis Breton, qui était un chimiste, qui se dépense beaucoup dans cette direction. Ou alors le poète député Clovis Hugues, qui était passé du socialisme au boulangisme et qui était toujours fulminant contre les financiers. Et qui rime de la sorte, un poème intitulé « L'empoisonné ». Je ne résiste pas au plaisir de vous le citer. Votre céruse est loin d'être un sel innocent, elle durcit les os, elle corrompt le sang, et comment voulez-vous qu'elle vous fasse grâce lorsque vous la maniez, comme le vent qui passe, travaille dans les cieux, les fluides épars. Que de gens à 30 ans sont déjà des vieillards pour avoir respiré le blanc poison qui vole dans la lumière avec le souffle et la parole. Ce poème de Clovis Hugues, qui n'a été publié qu'à titre posthume au début des années 20, en effet, il est beaucoup plus long que l'extrait que vous avez cité. Il comporte plusieurs centaines de vers. Et il... Je vous les ai épargnés. Oui, merci. Et il consiste en fait en la déploration d'un portrait, autour d'un portrait d'un ouvrier peintre, en effet, atteint de saturnisme, et la description donc des dégâts à la fois sanitaires pour l'ouvrier lui-même, mais aussi des dégâts sociaux, c'est-à-dire des conséquences sur la famille, des conséquences sur l'entourage, et finalement de la précarisation et même de la misère à laquelle est condamnée cette famille de peintres. Un des points intéressants, y compris sous la lumière de nos problématiques d'aujourd'hui, Judith Reynard, c'est de comprendre pourquoi le lobby de défense du blanc de plomb a été si efficace pendant un demi-siècle et a commencé de voir s'effriter son influence au début du XXe. De quoi était faite cette capacité de persuasion, cette opacité au fond, cette manière d'organiser une sorte de fabrication du silence? Ce qui est tout à fait fascinant pendant ce second XIXe siècle, c'est la manière dont se met en place la construction de l'opacité, la construction de l'invisibilité autour de ce conflit entre deux produits, le blanc de plomb, la céruse, et le blanc de zinc. Construction de l'opacité qui est le fait de ce groupe de pression animé par les industriels de la céruse et qui parvient pendant un demi-siècle à étouffer ce nouveau produit, ce nouveau substitut, le blanc de zinc, qui est donc apparu à la fin des années 1840 et qui constitue un concurrent désormais tout à fait crédible à ce produit. Avec une stratégie avançant des arguments qui vont progressivement être démontés au début du XXe siècle. L'idée qu'on minore les risques d'emploi de la céruse, on dit que la préparation est plus redoutée que redoutable, c'est quand même scientifiquement absurde, et on dénigre le produit de substitution en s'efforçant d'instiller le doute sur la prétendue innocuité du blanc de zinc. Il me semble que aujourd'hui, ce qu'on a pu dire sur le glyphosate n'est pas sans proposer une sorte d'écho. Absolument, de même que l'amiante d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est là dans une concordance des temps absolument extraordinaire entre la construction de ce qui s'est appelé le comité permanent amiante pour l'amiante, donc qui a constitué une sorte d'argumentaire de défense de l'amiante dans les années 1980 et 90, ce qui s'est construit dans la seconde moitié du 19e siècle est donc une contre-offensive en quelque sorte face à l'apparition du produit de substitution construite par les industriels de la céruse. Ça passe notamment par ce qu'on pourrait appeler la normalisation technique, c'est-à-dire que les industriels de la céruse vont s'efforcer de démontrer qu'on peut fabriquer de la céruse de manière inoffensive. Ils veulent démontrer, comme ils le disent, qu'on peut faire du blanc de plomb avec, je cite, « autant de sécurité que du pain chez les boulangers », avec évidemment l'analogie de cette poussière blanche qui fait penser à de la farine. Donc l'idée, c'est de montrer que tous les efforts sont faits par les industriels, y compris des efforts économiques, bien sûr, financiers, c'est-à-dire l'invention de nouvelles machines, l'invention de nouveaux brevets, le dépôt de nouveaux brevets, qui permettent désormais de fabriquer du blanc de plomb avec des risques extrêmement limités. Un autre argument qui est utilisé par ces industriels est celui, vous l'avez évoqué, de la mise en doute de l'innocuité du produit de substitution. Et donc finalement, ce combat entre les deux blancs, ce combat entre le blanc de plomb et le blanc de zinc, dure pendant un demi-siècle. Et malgré le soutien des pouvoirs publics, puisque on ne l'a pas encore dit, mais la proposition de substitution faite par Leclerc avec ce nouveau produit a abouti dès 1849 à une première ébauche de législation qui n'interdisait pas la céruse, mais qui prescrivait le blanc de zinc dans tous les travaux publics. On n'interdisait pas véritablement le poison, mais on favorisait son substitut. Prescrire n'est pas proscrire. Prescrire n'est pas proscrire, et précisément cette prescription est tombée en déshérence avec des phénomènes tout à fait fascinants de ce qu'on pourrait appeler une illégalité de l'État, puisque pendant tout le second 19e siècle, on voit les ministères eux-mêmes, celui de la marine, celui des bâtiments publics, promouvoir la peinture à la céruse, alors même que leur prédécesseur en 1849 indiqué que tous les travaux publics devaient se faire avec ce substitut inoffensif. L'histoire, en l'occurrence, n'avance pas selon une ligne droite, mais vraiment c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Absolument, avec une chronologie qui évidemment n'est pas lisse du tout et qui surtout n'est pas progressiste, c'est-à-dire qu'on voit très clairement des allers-retours, on voit très clairement des moments de mise en lumière de cette question et des moments d'opacification, des moments parfois extrêmement longs, et là en l'occurrence près d'un demi-siècle, où le débat public autour de la concurrence des produits et autour de la possible substitution d'un produit dangereux par un produit inoffensif est complètement réduit à néant dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a un épisode significatif, c'est le moment où, en novembre 1881, l'Académie de médecine se réunissant, se consacrant une séance au problème de la santé publique inédite que posent les soudures au plomb des boîtes de conserve, dénonce l'omniprésence de ce métal toxique et finalement ensuite explique que, après tout, il ne faudrait pas trop le dire. Après avoir proclamé ceci, de toutes parts, le plomb nous envahit, nous enveloppe et nous pénètre. Nos habitations sont peintes à la céruse, nos meubles en sont souvent enduits, les tissus dont nous recouvrons, les chaussures que nous portons sont souvent imprégnés de préparations plombiques, notre vaisselle culinaire est recouverte d'un alliage plombique, etc., etc. Mais à la fin, plusieurs membres de l'Académie s'inquiètent des conséquences que ces propos pourraient avoir et poussent l'Académie à l'unanimité à décider qu'il ne fallait pas affoler la population. Opacité toujours. Voilà. Ce serait vrai aussi pour d'autres produits aujourd'hui, à vos yeux, Judith Reynard? Oui, très certainement. Ces processus de confinement des savoirs scientifiques participent, bien sûr, d'une bonne gestion. Bonne, avec beaucoup de guillemets, évidemment, mais d'une bonne gestion publique des risques toxiques et d'autres risques d'ailleurs. Ce que l'on voit très bien dans l'archive que vous avez cité, c'est que quantité d'institutions, y compris médicales, dont on imagine a priori qu'elles sont là précisément pour éclairer le public sur les dangers qu'il peut courir éventuellement, participent en fait de la construction de cette opacité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de ne pas réduire finalement toute cette histoire à un affrontement binaire entre des ouvriers qui seraient victimes d'une intoxication et qui ne pourraient rien y faire tant qu'ils ne sont pas mobilisés, et d'autre part, des industriels qui chercheraient avant tout à faire du profit sur leur production. Ça permet de complexifier finalement très largement cet affrontement et de montrer que le consentement est généralisé et que quantité d'institutions, encore une fois, y compris parmi les pouvoirs publics, participent de cette opacification. Vous nous dites en somme que si elle veut être performative, l'histoire ne doit pas être manichéenne, ne doit pas opposer de façon trop binaire des camps face à face. Il n'empêche que dans ces années 1900, on voit deux personnages face à face. Je pense à Georges Clemenceau d'un côté et d'autre part un autre sénateur, expert Besançon, un des patrons majeurs de la céruse, s'affronter. Clemenceau publie en 1904 des articles vraiment magnifiques que l'on peut exhumer, où il explique qu'il faut rapprocher la mort de ces ouvriers de celles qui sont abattues par la mitraille pendant la guerre. Les meurtres industriels sont des meurtres de quelques noms qu'on les déguise. Plomb, phosphore blanc, mercure ne tuent pas moins sûrement que la mitraille guerrière. Et il réplique aussi à cet argument que l'on trouve du côté du groupe de pression d'experts Besançon, sénateur et président de l'association des cérusiers, qui dit, au fond, c'est la faute des ouvriers, on y revient toujours. S'ils ne touchaient pas la peinture avec leurs doigts, s'ils étaient plus prudents, ils ne couraient aucun risque. Et alors, on voit Clemenceau dire ceci, « Je n'ai jamais nié le fait pour un ouvrier théorique qui ferait de la peinture en manchette comme Monsieur de Buffon en littérature. Il n'est pas douteux qu'un petit maître, adepte du tub, possédant un outillage de toilette au grand complet et passant une partie de sa journée dans le maniement de brosses appropriées, pourrait souvent éviter le saturnisme. Il en est tout autrement des peintres qui sont aux prises avec les données générales de leur travail. Et c'est quand Clémenceau est président du Conseil, en 1909, qu'est passée la loi interdisant la céruse, comme nous l'avons dit. Il n'empêche que ça n'a pas été sa disparition et que l'histoire du XXe siècle, c'est encore l'histoire des va-et-vient, en dépit de l'intervention en particulier de l'Organisation internationale du travail, du BIT, qui est créée après la guerre avec l'autorité d'Albert Thomas. En dépit de ces lois, ce qui frappe, c'est la remarquable résistance du tissu industriel, du monde des affaires, à l'instauration de cette loi interdisant le blanc de plomb, interdisant la mortelle céruse. C'est-à-dire que la mise en œuvre de la loi de 1909, celle de la Convention internationale du travail qui interdise la peinture au plomb dans quantité de travaux, n'ont finalement pas donné lieu véritablement à la cessation de l'usage de ce produit. Et il faut finalement attendre une directive européenne de 1992 pour que l'ensemble des peintures au plomb soient interdites dans l'Union européenne. Donc, ce qui est absolument fascinant, c'est la durée et la résistance de ce produit, qui finalement s'est davantage éteint pour des raisons techniques, c'est-à-dire que l'invention de nouveaux produits plus efficaces et techniquement plus performants que cette antique céruse, qui finalement n'avait pas beaucoup évolué pendant 20 siècles, a amené la fin du produit. Mais c'est probablement plus pour des raisons économiques et techniques que pour des raisons véritablement politiques. Eh bien, pour ce qui concerne les produits d'aujourd'hui, cela n'est pas très encourageant. Certes. Sur cette permanence, rien de plus parlant que l'archive que je vais vous proposer. Un reportage d'Anne Guéry sur l'intoxication au plomb des enfants dans les logements précaires. Une archive d'Antenne 2, journal télévisé, 13h, le 13 décembre 1989. Encore, 89. Depuis 1986, près de 350 enfants ont été intoxiqués et le conseil municipal de Paris a décidé d'étudier, aujourd'hui même, les mesures à prendre contre cette intoxication. Une famille à risque. Quatre enfants qui ont peut-être contracté la maladie. Ils viennent dans ce centre de protection maternelle et infantile. À titre préventif, une prise de sang dira s'ils ont ou non du plomb dans leur organisme. À Paris, dans le 10e arrondissement, ce dépistage est systématique, comme dans les 9e, 18e et 19e, là où est apparu le saturnisme. On connaît des signes cliniques qui peuvent faire penser à cette affection. Ils ne sont pas très spécifiques, mais lorsqu'on en rassemble un certain nombre, il faut immédiatement penser à l'intoxication au plomb. Alors, c'est essentiellement des troubles du comportement, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est très varié. C'est aussi, bien sûr, une anémie résistante au traitement par le fer. Ça peut être une constipation, des douleurs abdominales, une apathie, une somnolence. Martine Bacli est infirmière. Elle soigne à domicile les enfants intoxiqués, des enfants qui vivent souvent dans des logements précaires. Encore le petit Savali. Le petit Savali, il est là, petit Savali. André ? Oui, André. Ici, une pièce de 10 mètres carrés. Un adulte peut à peine s'y tenir debout et une famille de 5 personnes vit dans ce réduit depuis 5 ans. Pas de jeu possible pour les enfants, alors ils grattent et mangent la peinture qui s'écaille. Cette peinture au plomb qui a un goût sucré, ils s'intoxiquent. Ailleurs, le danger est moins visible, plus localisé. Lorsque j'ai ouvert la fenêtre, elle venait gratter la peinture. Lorsque j'ai été à la PMI, j'ai vu une affiche qu'on parlait de la mauvaise peinture. Bon, je me suis rapprochée, je lisais l'affiche. Bon, il y a une infirmière qui m'a demandé, bon, est-ce que votre enfant là, mange de la peinture? J'ai dit oui, elle mange de la peinture. C'est lorsque j'ai été faire la prise de sang, on a vu qu'elle a du plomb dans son sang. 10 familles ont été relogées par la ville de Paris. Mais dans le nord-est de la capitale, des centaines d'autres ont conservé leur logement insalubre. Au total, 17 000 enfants en danger. Judith Reynorn, permanence ou véritable progrès, résurgence dans d'autres champs de cet affrontement entre le capitalisme et l'intérêt de la santé publique tel que nous l'avons évoqué au cours de cette émission? Cette histoire de la peinture au plomb est en fait une véritable bombe à retardement, et c'est ce que montre l'archive que nous venons de passer. C'est-à-dire que toutes les questions qui ont été agitées au XIXe siècle réapparaissent, font résurgence à la fin du XXe siècle avec cette épidémie de saturnisme infantile. Je crois que tout cela montre de manière tout à fait impressionnante à quel point l'attention publique, les préoccupations autour des questions de santé publique suivent une chronologie extrêmement variable et que finalement, des produits dont on pense la toxicité endormie ou disparue peuvent réapparaître avec des effets à retardement tout à fait extraordinaires. Ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la peinture au plomb, c'est que finalement, on a commencé à la fabriquer alors qu'on connaissait déjà sa toxicité. Fabrique aussi d'un consentement. Voilà, donc en fait, on a fabriqué, en même temps qu'on a mis en place cette fabrication industrielle, on a mis en place également les conditions du consentement collectif à cet empoisonnement au travail. Ce qui est tout à fait différent, évidemment, de beaucoup de produits dont on a découvert la toxicité dans un second temps. Comme l'amiante ou le glyphosate, c'est ça ? Comme l'amiante ou comme le glyphosate, même si dans tous ces cas-là, on observe la fabrication d'une opacité qu'on a bien mise en évidence à propos de la peinture au plomb et que d'autres chercheurs ont mise en évidence pour ces produits. Merci beaucoup, Judith Reynaud. Merci beaucoup. Votre livre important, précieux, s'appelle « Blanc de plomb, histoire d'un poison légal ». Il est paru aux presses de Sciences Po tout récemment. Et j'y renvoie nos auditeurs. Je voudrais signaler, j'ai évoqué la personnalité très intéressante de Jules-Louis Breton, je l'ai évoqué trop rapidement, 1872-1940, un savant parlementaire, c'est le titre d'un livre de Christine Moissinac et Yves Roussel, paru aux presses universitaires de Rennes, aux excellentes presses universitaires de Rennes, en 2010. Et puis je signale le livre de Pascal Marie-Chalard, qui a tué les verriers de Givors, à la découverte en 2017. Il ne s'agit plus de la Céruse. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une enquête ethnographique absolument extraordinaire menée sur la question de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles qui touchent les ouvriers de cette verrerie qui date de la fin du XVIIIe siècle. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission comme pour la plupart de celles qui précèdent depuis une décennie en fait. Et bien tout en écoutant Lucienne Delisle qui chante « Y a de la fumée dans ma banlieue » en 1941, je vous rappelle qu'il s'agissait de Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delaveau. C'est une autre histoire, faut croire qu'il vient incognito. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. On ne voit jamais en levant les yeux si le ciel est bleu. Les pauvres arbres poussiéreux ont mauvaise mine. Et les oiseaux, l'air dégoûté, ne veulent plus chanter. Les matins roses, les soirs tout bordés d'or. On le suppose pour y faire d'autres décors. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 15 juin 2019 et qui s'appelait « La peinture au plomb, histoire d'un poison » avec Judith Reynaud. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Jean-Jacques Courtine et qui s'intitulait « Le mensonge en politique ». Elle avait été diffusée pour la première fois le 25 octobre 2008. Mais comme la fumée s'épiloche et se disperse au gré du vent, je sens si tôt que tu m'approches s'envoler au loin mes tourments. Au ciné ou dans les romances, il y en a sûrement des plus beaux que toi, mais pour moi, c'est sans importance, puisque t'es mon amour à moi. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. Mais j'ai trouvé un petit coin bleu là dans tes yeux.